Pas que tu stresses, je suis en feu de détresse, je compte mon bénef, prends pas les restes, je suis à mon aise, il me faut le Mercedes, je règle toujours mes dettes, il m'insulte, je les laisse, même bleu, tu me la fais pas, t'as trahi la Honda, tu crois que je le sais pas, des fois je suis à deux doigts tout quitter, frère, moi je sors de la cité, je suis là pour dire la vérité, mon cœur va plus, on me l'a vu dit. J'calcule, dégage, j'fais ma vie. J'ai besoin de me vider. Oubliez-moi, je coupe tout. J'fais mes pages, j'm'en fous tout. J'leur fais le signe, j'oule ma soupe. Pendant qu'ils me prennent en photo. Tout ce qu'ils font, les sous-sous. 38 dans la dodo. On la met droite la moto. Seul ou avec le poteau. Tranquille, tout doux, man. Teste pas, tu vas te faire mal. Oui, on m'aime, on m'adore. On me veut du mal. Gros, j'connu le manque de maille. On m'aime, on m'adore. Et on me veut du mal. Frérot, j'suis navré. Faut que tu descendes. Comme dis sur toi, si tu savais. Si c'est vrai, j'm'effondre. Pour faire les choses comme il faut. Mon seul défaut, c'est que j'fume trop sur le bédo. On trace, on critique, crois quoi que tu fasses. De toute façon, son manque de création. Elle devient mazo, elle se fait passer pour ma go. Est-ce qu'elle est là pour ma go? Est-ce qu'elle est là pour ma gold? Mon cœur bat plus, on me la fusille. J'calcule, dégage, j'fais ma vie. J'ai besoin de me vider. Oubliez-moi, je coupe tout. J'fais mes pages, j'm'en fous tout. J'leur fais le signe, j'oule de ma soucoupe. Pendant qu'ils me prennent en photo. Tout ce qu'ils font, les sous-sous. 38 dans la dodo. On la met droit de la moto. Seul ou avec le poteau. Oh, bah. Montre avec des billes, oh, bah. Faire ça si t'es gris, oh, bah. Se montre avec des billes, oh, bah. Oh mademoiselle, je veux qu'on passe à l'autre. Oh les petits là, j'ai la vaisselle, j'ai la vaisselle. Elle fait pas sa belle, elle me donne des ailes. J'ai mis du zèle, et ça choque, choque, choque, choque. De ne pas avoir de love, love, love, love. Mon cœur va plus, on me l'a vu dit. J'calcule des gains, j'fais ma vie. J'ai besoin de me vider. Oubliez-moi, je coupe tout. J'fais mes bails, j'm'en fous tout. J'leur fais le signe, j'oule de ma soucoupe. Pendant qu'ils me prennent en photo. Tout ce qu'ils font, les sous-sous. 38 dans la dodo. On la met droite la moto. Seul ou avec le poteau. Prends dur un jour ce fils de mon millénaire. J'aide mes frères en tôle, j'attends qu'on les libère. Aujourd'hui je me lâche, j'ai perdu de la monnaie. Je me dis que c'est Dieu qui me donne la force de charbonner. Ouais gros moi j'ai donné, pourtant m'a rien passé. J'attends rien de vous, je veux juste qu'entre nous ça soit comme dans le passé. Lui il fait le mec à pain, mais je l'ai vu tasser. Alors qu'il est, doit être devant la mer en train de bouffer des crustacés. Entre les rumeurs et les chantages j'en ai plus cassé. Je suis calme, mais dis-leur qu'un jour ma haine va me dépasser. Je t'ai dit que j'avais un bruit, t'es même pas déplacé. Mais bon j'ai pas besoin de toi, je connais des hauts placés. On fait tout semblant de rire, j'en ai marre d'elle. On se taille vers l'oreille d'elle, Marc Jader Mercedes. Arrête de me flécher, ton Gucci Voti. 13 ans que je suis dans le métier avec mon parfum Jean-Paul Gaultier. Eh ouais, tous les jours, mon avenir se dessine. Eh ouais, tu fais partie de la team si tu fais le signe. Tu veux faire la course, mais je mets le S. Je te vois plus, t'es où? Qu'est-ce qui se passe, le S? Ta go, elle m'a dit qu'elle préfère moi quand je la caresse. Elle dit qu'elle aime le confort du Carrera S. On va te faire toucher les nuages, même si t'es balèze. On pourrait se cacher dans le feuillage avec des mitraillettes. On a fait du chemin avec mes canadesses. À dire que maintenant on mange un autre fin, c'était pas le cas en bas de la thèse. En bruit avec ma mère, je dormais dans ma voiture. À deux doigts de monter sur des toitures. Ma vie est en noir et blanc, je vais refaire la peinture. Je fonce tout droit dans le mur, comme d'hab, j'ai pas ma ceinture. Ça t'apporte quoi de faire la tête dure? Moi je fais pas le mec, je veux pas qu'on retrouve mon corps dans le vide d'ordure. Quand les chemises viennent péter, on fait tous des bons. On me dit que c'est qu'une fois dedans que tu reconnais les bons. On me dit fais le poser avec toi, il a un dent. Qui sait, peut-être ça le sortira doucement du charbon. Ça fait faire le signe au képi et on m'attend. Ça me soutient de longue, big up à mes potos, mes combattants. Dis-moi t'es où gros, on arrive sabré. J'ai fait des soleils pour apprendre à cabrer. Suffit qu'il donne sa confiance pour qu'on l'allumette. Suffit d'une pute pour allumer ses mecs. Suffit d'un coup pour voir un homme naître. Pour brûler toute une forêt, suffit juste d'une allumette. J'ai un sur 29 et j'ai fait plein de boulettes. Il est tard, je prends un billet, je vais le claquer à la roulette. Je mets le T-Max en I, pas loin de l'Asie. Où je me dis que je suis pas cramé avec mon sorbet de la Colombie. Des fois je rappe et j'ai même pas envie. Regarde comme on vieillit, on se regarde, on fume comme des zombies. Tu me l'as fait à l'envers mais tu m'as pas eu. J'ai les yeux ouverts, je ne suis pas dupe. Tu lances des rumeurs frérot, c'est pas cool. Tu vas me forcer à mettre une cagoule. J'en ai marre qu'on prenne à la rigolade. J'étais bien au quartier moi avec mes chips et ma limonade. Et certains voisins c'était des fils de pute. Ils aimeraient me voir mais je n'existais plus. Envie de me tailler, faire un tour en bord de mer. Du mal à me contenir, heureusement qu'il y a mes partenaires. Je suis pas la star, je crois quand même comme ça. Je pense bien qu'on est les mêmes en dehors de ça.